ce parfum subtil qui embaume ainsi soudain. C'est celui de la vanille, c'est ainsi que l'on me joint. Il provient de ma famille qui va s'agrandir bientôt. Un garçon ou une fille, nous le saurons assez tôt. Je sens que c'est imminent. Allons-y dès maintenant. As-tu l'autorisation? Quoi? De voir la reproduction? Alors là? Les agents de l'hygiène laissent-ils l'accès à la chaîne? Ici pas d'utérus artificiel, les naissances sont naturelles. Pas de préqualification, mais le droit à l'éducation. Oublie Arkelom maintenant. Ici tout est différent. Et je pense à la douleur. Cela ne vous fait pas peur? Nous sommes de ton avis. C'est notre grand ennemi. Popana, la médecin, un arsenal chimique. C'est à cette seule fin qu'Edenia use de technique. Théodore, le magicien, apporte aussi son soutien.